Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. She hasn't got, I don't like her. She gives me the creeps. She can't dress up for real. She hasn't got the feeling. She's growing up and trendy like all the others, waiting for her motherhood. Give her a baby and she'll be happy. Her life's sorted out for good. I don't like her. She gives me the creeps. Look at the things she's reading, watching, seeing, saying, doing, being trendy. Being trendy. Being trendy, trendy, trendy, being trendy. And she's growing up and trendy like all the others, waiting for her motherhood. Look at the clothes she's wearing now. Pseudo, ludo, clue that she hasn't got. I don't like her. She gives me the creeps. She can't dress up for real. She hasn't got the feeling. She's growing up and trendy like all the others, waiting for her motherhood. Justify Non. Ce texte, d'ailleurs, précisément, et jamais nous ne serons séparés, Frédéric Franck, il y a quelques années, me l'avait fait lire en disant « Vous devriez, ma chère Ludmilla, il était à l'époque directeur de la Madeleine, et vous devriez lire cette pièce. » Et j'ai lu cette pièce d'un trait et j'ai été extrêmement émue et même amusée. Je me disais « Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. » Cette écriture, comme c'est... Mais je n'oserais pas. Et à l'époque, il n'y avait pas de metteur en scène, pas de choix de metteur en scène. Et j'ai reculé, je dois dire. J'ai pris peur. J'ai dit non. J'ai remis ça, vraiment. Mais vraiment, vous voyez, en dessous d'une pile de choses en attente, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. clever as we think we are. Not the fracking animal. When we could have done anything, we wound up building this reserve with delusions of enlightenment. With our scalps in the dirt, with our scalps in the dirt. Et des années après, Marc Paquin, dont j'avais fait la connaissance au moment d'un trait de l'esprit qu'avait mis en scène Jalmont, à l'époque il était assistant, il y a une dizaine d'années, à Chaillot, disait un jour ce serait bien qu'on travaille ensemble. Alors on parlait de texte, puis lui me revient vers moi en disant « Et jamais nous ne serons séparés ». Alors je dis oui, je ressors le texte que j'avais gardé. Il me dit « Mais je ne pourrais pas ». Mais il me dit « Moi si, faisons-le ensemble ». Et à ce moment-là, Frédéric Franck a pris le Théâtre de l'Œuvre. Et j'insiste là-dessus parce que le Théâtre de l'Œuvre, c'est un petit lieu, mais je pense que c'est le lieu idéal pour cette pièce. We'll be right back. upset a witch, a powerful emotion politician. Only give a fuck about himself. Should've shot him years ago and put him on my shelf. I don't do what you allow, so get the fuck off of my back. Don't poke prod me like a laboratory rat. Rethink the thoughts that you're thinking and lying. The devil! The devil! The devil! Here I'm an angel. The devil! And I'm a fool, but you're a bigger fool. Feel that you're grungy cause there's no one more green. Three people are dead because of you. Three people are dead because you're a fool. Unexplained are the stories of you on your little trip to the emerald green. Now there are a lot of troubles that I have seen. This is trouble for your man. Yeah, yeah, yeah, yeah. Aux metteurs en scène anglais, par exemple, à Londres, les Bretons de dire que Isabelle Tchekhov, après avoir beaucoup monté Shakespeare, les Elisabethins, vraiment dans leur maturité, par exemple. Et je pense que là, oui, je connaissais beaucoup de choses, mais beaucoup de théâtre classique, mais je n'ai pas fait que du théâtre classique. Et donc ça a été une plongée. Et après cette première période euphorique, parce qu'il y a une adhésion en tant que lectrice de ce texte incroyable, très mystérieux. Après, on commence le travail proprement dit, et là, effectivement, c'est comme la partition, c'est les doigts qui doivent être les doigts du pianiste ou peut-être le souffle du chanteur qui va tout d'un coup aborder une musique contemporaine. Je ne sais pas si j'aurais... Voilà. écouté très curieusement, le seul point commun, ça va sembler très bizarre, c'est l'écriture de Claudel. C'est pas du tout son inspiration ou ses thèmes, mais c'est le passage à la ligne. Chez Claudel, il y a des passages à la ligne très étranges, qui ne correspondent pas à la pensée. On se dit, tiens, il arrête tout au milieu. Voilà. Et on est obligé de respecter ça, parce qu'entre le tout et au milieu, il y a comme un suspens. Voilà. Le suspens chez Claudel n'est pas le même suspens que Jon Foss, mais il utilise ça. Could it be hard? Could it be bone? exactement. Donc ça, il peut s'arrêter au milieu de sa phrase et enchaîner une chose. Et il faut absolument... Alors ça, j'en avais la pratique, puisque j'ai joué plusieurs fois Claudel, et que grâce à Antoine Vitez, il nous avait absolument appris le respect de la partition. Cela dit, avec l'Alexandrin aussi, il y a obligation du respect. Et c'est par le respect de la partition qu'on va trouver... en fait, c'est par en commençant par la forme, je dirais, qu'on va trouver le fond. Et... About it never rains in Southern California. I once saw a band play at the farm sober. I hadn't had a drink. Like cleaning gums or hugging bums or doing something that you know is good for ya. Those times are tedious and tenuous and hopefully much shorter than a blink. I'm so easy to decide. I could rationalize for life. But from all the strife I cause, I gotta go without. Taking codones is insane. I don't wanna kill, I want more pain. So like the California drought, I'm drying out. I got the one job that is frowned upon if you're not a user. The bands that are all sober are the ones playing the warped and county fairs. Go to a meeting and get called a loser. Then I get invited to a party from a bro who works at Bear. He's got shit from 1910. Bottle H that's genuine. I just wanna see what all the hype's about. I just gotta try it once. But I say no cause I got. Like the California drought, I'm drying out. Making me insane. I think I may have. ta triste mélodie. Évidemment, l'idéal, après, quand c'est réussi, c'est que la forme et le fond se mêlent et qu'on comprend pourquoi c'est écrit comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est ce qui précède, comme vous disiez. C'est-à-dire, pas la pointe de l'iceberg, mais tout ce qui est dessous. Et chez Faust, ce qui est dessous est énorme et très, très dense. Et we'll be right back. les mêmes regards, les mêmes histoires. Des propagandes, des promotions. J'ai déjà donné, j'ai déjà payé. C'est des idées, c'est des idées. Je t'envoie une carte du paysanne. Quoi de plus malin, un autre malin. Tu fais le malin, tu n'es qu'un crétin. Tu fais le crétin, tu te crois malin. Rendez-vous à bord de tes consciences. En l'air, c'est bon. Donc il y a une première partie de répétition. Je pense que Marc Paquin a été, en tous les cas pour moi, la personne idéale pour m'amener à comprendre ça et à ressentir. Et puis il y a ce travail qui a commencé depuis 2 semaines avec le public et qui continue chez moi. Je suis devenue, mes partenaires se moquent un peu de moi, je suis devenue obsédée par Yon Fosse. C'est-à-dire que cet été, c'est comme une sorte de... Voilà. des morts subites, des veaux poireux. Il y a des chats, des chiens, de grandes idées. Olé, olé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Que l'autre ne sait pas. L'œil sur toi, la reine, le roi a décidé l'attraper. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Pour refaire et redécouvrir. Et là, ce matin, avant de venir vous voir, j'ai relu. Parce que quelquefois, il y a la mémorisation, on se redit les choses. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre la partition écrite et de voir, par exemple, il y a certains non-respects depuis quelquefois. Je dis, ah, mais oui, c'est ça. C'est, voilà. Et j'ai mis la table pour deux. Voilà. Par exemple, que j'ai redécouvert ce matin et c'est pas, et j'ai mis la table pour deux. Voilà. Et pourquoi c'est écrit comme ça? Bon, c'est d'infinis détails, mais qui aussi donne le plaisir de ce travail. Il faut rentrer. Elle est bête, Elisabeth, elle est bête. bête comme ses pieds. Elle est bête, Elisabeth. Elle est bête, bête, bête. Elle est bête comme ses pieds. Elle est bête, Elisabeth. Elle est bête, bête, bête, bête. Elle est bête comme ses pieds. Elle est belle, Elisabeth. Elle est bête, bête, bête. Elle est bête comme ses pieds. Il va bientôt venir. Je suis une petite fille. Je ne peux pas me débrouiller toute seule. Je suis beaucoup trop petite. Je suis grande, forte et superbe. Je me débrouille si bien toute seule. Tous les gens se débrouillent tout seuls. Tout le monde se débrouille tout seul. Nous sommes grands et vraiment, vraiment superbes. Et nous sommes très forts, nous sommes très forts, nous sommes tous forts. Et je suis toute seule. Yeah. Il faut vraiment que je m'arrête là. Il a disparu comme dans la mort, il ne reviendra pas. Mais il lui a peut-être appelé. Non, il faut que je m'arrête. Il ne reviendra jamais, il a disparu à jamais, il ne reviendra pas. Il va sans doute venir. Since my baby left me, I found a new place as well. It's down at the end of Lonely Street, and the furniture has a funny smell. Down at the end of Lonely Street, the furniture has a funny smell. It's Bleak House, Bleak House, Bleak House. It's the home of the human condition, the human condition, the human condition. In the depths immersed, call a doctor, call a nurse. Have his test, have his purse. Hope for the best, expect the worst. Expect the worst. Hope for the best, but expect the worst. At Bleak House, Bleak House, Bleak House. It's the home of the human condition, the human condition, the human condition. Excuse the gardener with his chainsaw as he chops through all your myths and pretensions. You think that people are good. You think that they pay attention. Think they have reasons for the things that they do. You think they're sorry when they're not. You think success comes to those who try hard. You think they've earned what they've got. Well, don't talk to me about things you know not. I'm sorry, but it's not a pretty picture at Bleak House, Bleak House, Bleak House. It's the home of the human condition, the human condition, the human condition. Watch me rock. I go for a walk, get hit by a truck. What rotten luck. And now my friends have to leave the party while they go. Identify the body, hot toddy, hot toddy. Identify the body, hot toddy, hot toddy. Identify the body, send it to Bleak House, Bleak House, Bleak House. It's the home of the human condition, the human condition, the human condition. In the depths immersed, call a doctor, call a nurse. Have his test, have his purse. Hope for the best, expect the worst. Expect the worst. Hope for the best, but expect the worst. Where you're hardly ever disappointed and sometimes pleasantly surprised. Bleak House, Bleak House, Bleak House. It's the home of the human condition, the human condition, the human condition. Sunday best at Bleak House. Their morning is dressed at Bleak House. They never turn their heads at Bleak House. Well, everything's a mess at Bleak House. on vinyl seats. It makes me feel real neat. My naked skin comes out alive. I'm licensed now, I can drive. Auto sex gives me respect. My love reflects auto sex. I've got it down to little moves. Mechanic love, computer goose. It's all control, it's real insane. I ought to know, it's my own game. Auto sex, is that complex? It intersects with auto sex. When all my life is just a botch, I touch myself, you won't be watched. That I must share. The public sees, but they don't care. Auto sex, no side effects. The love protects. Auto sex, auto sex, helps you relax. Auto, auto, auto sex. It's all control, it's real insane. I ought to know, I love the game. Auto sex gives me respect. My love reflects auto sex. Auto sex, special effects. It all connects. Auto sex, auto sex, helps you relax. Auto, auto, auto sex. Auto, auto, auto sex. Auto, auto, auto sex. Auto, auto, auto sex. Auto, auto, auto sex. Surtout que c'était un des moments les plus extrêmes et les plus, on va dire, émotionnels. Tout est émotionnel chez Ian Fosse. Il n'y a que de l'émotion, en fait. Ce n'est que ça. Ce n'est pas intellectuel. C'est que de l'humain en souffrance, là en l'occurrence pour cette pièce, une femme qui attend, un homme qui ne revient pas, est-il mort, pas mort, je ne sais pas, en tous les cas, la séparation d'avec cet homme, la mise à l'isolement presque, elle est dans une sorte de rumination mentale et de coupure avec le réel. She can love me, that is understood. I used to to be such a macho man. It's nice to be on the receiving end. Whoa. I'm her sex toy, I'm her sex toy. She can do just what she wants. Sex toy, I'm her sex toy. She can do just what she wants. I'm her sex toy, I'm her sex toy. She can even get on top. Elle en sort de temps en temps et elle y retourne, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose voilà, dont elle ne peut pas... Mais ça peut nous guetter. Un grand malheur, un grand chagrin, une grande séparation peut faire qu'on s'enferme dans sa douleur et ne plus pouvoir avoir... Bon, c'est... I can get away. I can get away. I can see the world. You could find yourself in a different world, in a foreign place. Appreciate something else. Don't you wanna go? Don't you wanna? Don't you wanna go? Don't you wanna go? Come away with me. Save money.